Le roi est parti. Mais quoi? Ah, c'est cela. Au nom du roi, prince, je vous arrête. Don Pedro, pardonnez-moi. Relevez-vous, Don Cristoval. Le jour viendra assez tôt où il me faudra voir des hommes à genoux devant moi. Je ne me relèverai pas que vous ne m'ayez donné votre bénédiction. Je vous la donne. Et Inès? Libre. Je veux m'en assurer, je veux la voir. Un instant seulement. Prince, vous ne sortirez pas d'ici. Misérable vieillard, tu oses? Ah, tu l'as enfin, ton heure de gloire. Tu es moi, que je n'ai plus à oser. Je crains tout pour Inès. Je vous répète qu'elle est libre. Libre. Et demain? J'ai été trop courageux. Voilà un an qu'il fallait mettre Inès en sûreté. Il y a 300 couvents au Portugal où elle eût trouvé asile, même contre le roi. Mais on se tiendrait pour pusillanime en prenant ses sûretés. Inès est menacée parce que je n'ai pas eu peur. Enfant chéri, comme je suis coupable envers toi de n'avoir pas su mieux te défendre. Tu te reposais sur moi et je t'ai manqué. Il y a toujours à gagner à avoir du courage. Don Cristoval, on a beau vous mettre le nez sur la réalité, vous vous entêtez dans les lieux communs optimistes. Ils vous enivrent. Vous étiez pédagogue. Vous croyez que c'est cette nourriture-là qu'il faut donner aux pauvres jeunes gens qui n'ont déjà que trop tendance à aimer les lieux communs. Et vous continuez. On gagne quelquefois à être courageux et quelquefois on perd, voilà ce qu'il faudrait dire. Mais cela est trop simple. Cela est trop vrai. Vous êtes pédagogue et moralisateur. Vous n'êtes pas fait pour le simple, ni pour le vrai. Et vous ne sentirez jamais combien il est grave de prêcher le courage, surtout aux jeunes gens. Allons, désarmez-moi. Il faut que je sorte d'un univers où j'étais un homme pour entrer dans un univers où je serai un outragé. Et par mes compatriotes, bien entendu. Que les Africains m'aient fait prisonnier, ce n'était pas intéressant, c'est curieux. Les hommes de valeur finissent toujours par se faire arrêter. Même dans l'histoire, on imagine qu'il y a un grand homme qui ne se trouve à un moment devant un juge et devant un geôlier. Cela fait partie du personnage. Et ceux d'entre eux qui n'ont pas passé par la prison font figure en quelque sorte de déserteurs. Messieurs, ce que vous mettez, c'est une vraie escorte d'honneur, car dans les prisons de mon père, je vais retrouver la fleur du royaume. Mais dites-moi, n'y en a-t-il pas un parmi vous qui ait été mis en prison par des Portugais? Quoi, pas un? Ah, vous, lieutenant Martins. Prisonnier. Et pour quel motif? Ô prince bien modeste, pour dette. Que ce soit pour dette ou pour vol ou pour viol ou pour meurtre, quiconque a été fait prisonnier par les siens est désormais mon frère. Lieutenant Martins, je me souviendrai de vous. Et maintenant, escorte d'honneur, en avant, vers les prisons! Ou plutôt non, il vaut mieux dire en avant, par-delà les prisons.